Les priorités de vie, enregistrement produit au mois de novembre de l'année 2023. Donc, c'est un enregistrement que je fais parce que au fil du temps, j'ai eu à clarifier les priorités dans mon existence, à quoi que je consacre de l'énergie. Certes, ça a beaucoup fluctué avec le temps, mais avec les années, je suis tout le temps confronté à des considérations pratiques, des considérations terre-à-terre. C'est sûr que par rapport à ça, ben, il y a des aspects de la vie qui peuvent être intéressants à étudier. C'est sûr que derrière l'enregistrement que je fais aujourd'hui, il y a une volonté de partager un souci très pratique. Parce que d'un côté, je peux m'intéresser à des considérations à caractère philosophique, métaphysique, occulte, mais à quelque part, j'ai en tant qu'ego à vivre sur la Terre ici et maintenant et à composer avec des paramètres existentiels. C'est souvent à travers la souffrance ou des chocs de vie, on est ramené à des considérations terre à terre, comme par exemple un problème de santé chronique. Dans le quotidien, c'est sûr que c'est un des éléments que ça aide beaucoup à être enraciné, à être moins flyé, à désir moins de flyer dans les nuages, dans le sens que quelqu'un qui a un problème qui lui occasionne de la douleur sur le plan physique, bien à ce moment-là, ça se peut qu'il pense moins à réfléchir sur la possibilité ou non qu'il ait fusionné à 20%, 30% ou 100%. Il va peut-être moins réfléchir à des questions sur les niveaux hiérarchiques des anges dans le cosmos et ce genre de choses-là. Dans le sens qu'il va vouloir régler son problème concrètement, c'est-à-dire plus avoir, par exemple, de douleur, c'est un problème physique qui en occasionne, et ainsi de suite. Donc, c'est souvent les considérations, la souffrance qui nous ramène du terre-à-terre, mais néanmoins, ça peut être intéressant de prendre en considération certains paramètres de vie. Je vais en aborder certains aujourd'hui parce que ça peut être des pistes d'investigation dans sa vie. Moi-même, par rapport à ces différents éléments que je vais aborder, je me suis déjà posé des questions dans le passé. Donc, c'est sûr que mon souci, c'est beaucoup lié à la qualité de vie. Donc, il y a des questions qui vont porter sur le sommeil. Donc, évaluer si le sommeil est réparateur ou non. Dans mon cas, en vieillissant, je me suis rendu compte, je suis rendu à 42 ans, que le sommeil est plus léger qu'avant. Je me suis renseigné, j'ai vu sur Internet à travers des vidéos qu'en vieillissant, c'est normal. Le sommeil, la phase de sommeil profond est moins grande souvent les gens dorment moins longtemps. Donc, c'est sûr que ça a un impact parce que par la suite, c'est de voir à quel point le sommeil est réparateur dans ma vie, puis s'il l'est moins qu'avant, qu'est-ce que je peux faire pour compenser. Ensuite, je me suis intéressé à l'alimentation, qu'est-ce qui est sain de manger pour me permettre d'avoir de l'énergie, un apport nutritionnel adéquat. Ensuite, je me suis questionné aussi dans mon rapport au couple, à ma compagne. Mon rapport aussi à la famille, donc la relation avec les membres de ma famille pour voir par rapport à eux s'il y en a que je me sens plus à l'aise, moins à l'aise. Voir aussi les patterns de comportement que je veux reproduire ou non de ma vie qui proviennent de mes parents. Donc, qu'est-ce que je veux partager à ma fille sur le plan familial en termes de valeurs, de principes de vie. En termes de comportement ou d'héritage, quelque part, que je veux léguer dans un sens. Ça, c'est des considérations, des questions auxquelles j'évalue des choses. C'est sûr qu'il y a la question aussi que je me suis déjà posée sur mon niveau de bien-être, de santé mentale. Dans le sens que dans le passé, j'ai eu des idées à caractère très anxieuse par rapport à l'avenir, des idées des fois plutôt sombres, j'ai vécu des états de déprime aussi. Ensuite, mais c'est sûr, c'est de se regarder aller dans son fonctionnement au quotidien, de regarder au niveau de la forme physique, si la forme physique est bonne ou pas. Parce que c'est ce qui va faire qu'on va avoir de l'énergie. C'est sûr que par rapport à ça, quand j'étais plus jeune, j'étais pas très en forme. Et à un moment donné, ben, je me suis mis à faire du sport pour améliorer ma santé physique. Donc, favoriser, dans le fond, pour avoir une énergie qui est équilibrée. Parce que je me suis rendu compte que si je passe toute la journée devant l'ordinateur, là, à écouter des vidéos ou à écrire, ça me crée des tensions sur le plan nerveux. Et c'est sûr que si je dois faire du jogging, ne serait-ce que 15 minutes, ça va m'aider à libérer des tensions. Ça va amener la sécrétion aussi de l'hormone de l'endorphine, si c'est un jogging que je fais à bonne intensité. Et ça va me procurer un état de bonheur, donc un état de bien-être là, lié à, tout simplement à des hormones dans mon corps qui sont métabolisées par mon organisme en relation avec l'organisme. J'ai pas besoin de prendre de la drogue sur le plan chimique pour être bien. Pas besoin de prendre des antidépresseurs. Je vais m'entraîner physiquement à haute intensité pendant une certaine période de temps, puis ça va faire le travail. Donc, en amenant la création, la génération des neurotransmetteurs qui vont m'apporter un état de bien-être. Mais pour ce qui est de jogging, avec le temps, j'ai appris à faire preuve de modération parce que si je m'entraîne trop, ça dilapide mes énergies vitales, puis j'avais maigri. Là, l'activité physique, je dépensais beaucoup de calories et dans le fond, ça m'avait, c'était trop, ça m'avait amené à maigrir. Aujourd'hui, je suis un peu plus pondéré. Sinon, ben, c'est sûr que c'est de regarder au niveau de l'état de ses habiletés cognitives, la capacité à apprendre, la mémoire. Au fil des ans, j'ai étudié l'anglais pour maintenir mes habiletés cognitives actives, où j'écoute régulièrement des documentaires que je vais prendre des notes, je vais étudier différents sujets. Récemment, je m'intéressais aux semi-conducteurs. En fait, il existe ce qu'on va appeler des nanotubes de carbone à l'échelle miniature, qui peuvent être utilisées pour faire des produits plus légers. Prenons par exemple une raquette de tennis. Bon, ben le poids de la raquette, c'est fait avec des nanotubes de carbone. Elle va être beaucoup moindre qu'une raquette faite avec d'autres types de métaux. Donc, si le métal est plus léger, ben ça peut être intéressant. Prenons par exemple la construction d'une automobile. Bon, ben si le ben, je dis le métal, c'est-à-dire la substance qui est faite est plus légère, surtout si l'auto a une batterie électrique qui pèse un poids qui est très lourd, bon, ben si ça participe à alléger le véhicule, ça devient intéressant parce qu'à ce moment-là, ça prend moins d'énergie pour soulever la masse du véhicule, son poids, pour se déplacer, pour le véhiculer dans l'espace. Donc, il y a des applications intéressantes. Puis, les pionniers en matière de nanotubes, c'est entre autres au Japon qui ont développé ça au fil des ans. Ils sont spécialisés dans la miniaturisation. Donc, les nanotubes sont plus petits qu'un millimètre. C'est vraiment tout petit. Donc, j'ai étudié ça récemment. J'étudie différents sujets dans différentes disciplines scientifiques. Ben, j'étudie, les gens vont dire que t'es peut-être un peu prétentieux, là. J'étudie pas ça d'une manière académique comme quelqu'un qui fait un cours à l'université, là, sur les nanotubes pour être spécialiste. C'est plus des connaissances vulgarisées que je visionne dans des documentaires. Ça va être plus adéquat de dire ça qui permet de faire un survol. À un moment donné, je vais m'intéresser à la physique quantique. Ensuite, je vais m'intéresser aux perturbateurs endocriniens. L'essentiel de mes intérêts, c'est la science en général, puis plus particulièrement la santé. Donc, je m'intéresse beaucoup à la cancérologie, donc la science qui vise à étudier les cancers, surtout les facteurs de prévention, les facteurs aussi de dépistage, et puis l'évolution des traitements. Donc, il y a des évolutions de traitements qui m'ont beaucoup intéressé. Prenons par exemple la maladie de Parkinson. On sait qu'aujourd'hui, par rapport à la maladie de Parkinson, il existe une approche d'intervention non invasive qui a été développée où, au lieu d'ouvrir le crâne et procéder à une trépanation pour, par exemple, mettre des électrodes dans le cerveau pour stimuler adéquatement le cerveau, pour réduire les tremblements, parce que c'est invasif, hein, ouvrir le crâne. Puis à chaque fois qu'il y a une incision, bien, il y a toujours un risque d'infection par la suite par rapport à une plaie. Tandis que là, c'est le traitement, puis c'est utilisé au Québec là, depuis un certain temps. Là. Il y a eu un reportage de l'émission documentaire là, de Radio-Canada par rapport à ça. C'est que, dans le fond, on va prendre des ultrasons qu'on va projeter sur les neurones qui sont la zone du cerveau qui comporte les neurones qui sont à la base des tremblements pour, dans le fond, les brûler puis neutraliser leur activité. Donc, au lieu d'y couper les neurones ou de les enlever, ben, parce que c'est ça qui occasionne le tremblement, ben, il va y avoir l'utilisation d'ultrasons qui vont être projetés spécifiquement par rapport à la zone du cerveau où le patient est immobilisé pour les brûler. Puis le patient il est lucide pendant tout le temps là, que ça court ça. C'est sûr qu'il faut que je sois stabilisé à un endroit. Là. Il était question du cas d'une personne, ça durait 6 heures de temps. Mais c'est intéressant à savoir. Pourquoi? Ben, parce que dans ma famille, j'ai eu un grand-père qui est atteint du Parkinson. Présentement, j'ai un oncle qui est atteint du Parkinson et également mon beau-père. Puis dépasser un certain stade, la médication pour diminuer les tremblements associé au Parkinson n'est plus efficace. Donc, quelqu'un qui, au fil du temps, augmente, au fil des années, la médication à mesure qu'il y a une progression dans la maladie dégénérative, ben, à un moment donné, une fois que la personne a atteint un plateau avec la médication, il n'y a plus de progrès, puis les tremblements augmentent. La solution, c'était une opération où elle se faisait ouvrir le crâne. Mais pas au complet, là, je veux dire, il y a une petite partie du crâne où il y avait un trou qui était percé pour mettre des électrodes dans le cerveau, tandis que là, c'est non-invasif. C'est intéressant, ce progrès-là de la science. Donc, je me renseigne par rapport à la science, je m'intéresse à la génétique. Ça, c'est pour le maintien de mes habiletés cognitives, mais aussi pour favoriser ma santé en général ou d'avoir une compréhension en est que le patrimoine génétique que j'ai par rapport à ma lignée familiale. Bon, il y a eu des cas de Parkinson, j'ai étudié ça. Il y a eu des cas de problèmes de... Ben, si je pense à mon père, il est mort d'un cancer de l'intestin, donc j'en ai fait l'étude, c'est quoi le cancer de l'intestin? C'est quoi les facteurs qui peuvent, entre autres, le favoriser? Et ainsi de suite. Sinon, un des volets importants de la vie, ben, c'est sûr, c'est la dimension des loisirs, être capable d'avoir des activités agréables qui nous permettent de nous amuser. Donc, sinon, j'ai étudié aussi le milieu de vie, c'est-à-dire l'appartement dans lequel je me trouve par rapport à son aménagement intérieur, extérieur. La quantité de lumière aussi par rapport aux fenêtres, la façon que sont disposées les stores. L'aménagement. Moi, c'est sûr que j'aime beaucoup les spirales, des spirales décoratives, là. Donc, c'est en métal, c'est fait d'une manière spiralée, puis il y a un cristal aussi. Il y a des gens qui vont m'écouter, vont dire « Ah, t'aimes les affaires nouvelles âgeuses. » Ben, l'objet, je le trouve beau sur le plan esthétique. De regarder ça, ça me détend. Donc, je vois avec mes goûts, là. Puis aussi, par rapport au choix des certaines peintures que j'ai mises au mur, il y en a, c'est des chandelles avec de la lumière, mais ça me détend de regarder ça. Donc, on a chacun nos goûts. Mais l'idée, c'est de trouver une façon de mettre sa touche personnelle dans le lieu qu'on vit pour, à chaque fois qu'on on y arrive à cet endroit, qu'on se sente bien. Donc, d'avoir le goût de retourner chez soi, puis que ça soit agréable. C'est pas nécessairement évident, là, parce qu'il peut y avoir des circonstances de vie qui vont faire interférence avec ça. Sinon, je m'observe pour pas être pris avec des dépendances. Dans le sens que, bon, une fois de temps en temps, je vais prendre un verre de vin, mais j'en prends pas 36 non plus. Je prends pas de cannabis, bien que ça soit légalisé depuis un certain nombre d'années. Je prends pas de drogue. Je suis plutôt de tempérament à éviter la médication ou l'utiliser seulement en dernier recours parce que je serais conscient que certains types de médication qui vont avoir pour effet une accoutumance. Donc, il faut augmenter le dosage pour retrouver le même effet. Et aussi des effets secondaires dans certains cas. Donc, il y a certains types de médicaments qui vont amener des gens à agresser. À un moment donné, j'avais rencontré quelqu'un qui avait eu un diagnostic de schizophrénie paranoïde. Le médecin qui le consultait, en fait, l'a mis sur les antipsychotiques. Sauf qu'avec les mois et les années, ce gars-là, qui était mince, il était très mince, il est devenu obèse, là, puis un gros ventre, là, un peu comme une femme enceinte, là. T'sais, il était pas agréable à regarder, là. T'sais, il y a eu des effets secondaires, mais c'est sûr que probablement que le psychiatre n'était pas au courant de l'instruction supramentale de Bernard de Montréal, puis même s'il l'était, il n'aurait peut-être pas été bienvenu par rapport à ses collègues d'aborder le phénomène que la pensée vient d'ailleurs et d'outiller la personne à faire une gestion active de la pensée qui peut être envahissante, amenée à se sentir mal, etc. Puis aussi, c'est pas tous les gens qui sont tout dépendants de dosage. Aussi là, d'antipsychotiques. Là, c'est pas tous les gens nécessairement qui vont devenir méga obèses là, comme la personne que je pense. Là. Mais le point que je voulais faire en lien avec ça, c'est sûr que le psychiatre, sans doute de bonne foi, la personne souffre dans son rapport à la pensée. Ben, il a fait un traitement conventionnel de donner des antipsychotiques, sauf qu'avec le temps, ben, le gars, il avait pas mal engraissé. Je pense qu'il n'était pas tellement à l'aise avec son corps. Puis aussi, il disait des trucs comme David Icke à répétition, avec des attaques psychiques. Il abordait toutes les questions occultes d'attaques psychiques, de reptiliens, de manipulation, de complots. Il y avait une pensée aussi conspirationniste qui avait souvent tendance à interpréter beaucoup les choses de manière pessimiste. Bon, ben à un moment donné, il s'est suicidé. C'est sûr que ça a eu ça comme impact, là. Donc, ça, j'en ai fait l'étude aussi. Je me suis intéressé à étudier dans les gens de mon environnement, parce que ça, à 42 ans, c'est pas comme à 20 ans. Là, je commence à avoir un peu plus de vécu. J'ai rencontré plusieurs personnes qui se sont tuées. Et ça m'a amené à faire certaines études. Pourquoi que telle personne s'est tuée? Est-ce que le gars qui... Premièrement, l'image corporelle, le gars qui était mince, qui devient méga obèse, peut-être que ça nuit à son estime de soi. T'sais, peut-être qu'il était moins à l'aise... à se présenter en public. L'autre élément, ben, on n'était pas encore au stage au niveau du collectif. On ne l'est pas encore aujourd'hui, là, soit du temps passant, là, à avoir une psychologie renouvelée qui va tenir compte de la multidimensionnalité de l'humain. Et ça, c'est quand que éventuellement la dimension que la pensée vient d'ailleurs va être reconnue par l'ordre des psychiatres, psychologues et travailleurs sociaux, etc. C'est pas demain la veille, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que on est très lent ici, là, sur la Terre. Et pendant ce temps-là, ben, c'est sûr que c'est les patients psychiatriques qui sont pas capables de faire une gestion adéquate de leur psyché qui en paye le prix. Et la seule chose que il n'y a pas une seule chose, pas vrai. Je vais être honnête, il y a de la psychothérapie qui existe. La psychanalyse, bon, elle a certains résultats. L'approche cognitivo-comportementale aussi. Mais ça a ses limites. T'sais. Si on regarde l'approche cognitivo-comportementale, on va dire, par exemple, à quelqu'un qui a une pensée, reformule la pensée que la personne a. Comme par exemple, au lieu de dire « je suis niaiseux », la personne peut dire « je suis intelligent » ou « ça s'applique pas à moi ». Donc, le recadrage de la pensée, qui est une technique d'intervention pour réduire la souffrance psychologique qui peut être vécue dans le rapport de la pensée, c'est-à-dire cette technique-là peut être utile si la personne reçoit la pensée qui est niaiseuse, de la reformuler d'une manière plus respectueuse par rapport à soi, mais ça n'amène pas à comprendre que la pensée vient pas d'elle. Puis à chaque fois que tu reformules une pensée, tu es tout le temps en réaction par rapport à quelque chose d'autre. Tu n'es pas dans un rapport de contestation de la source de la pensée, puis la source demeure voilée, où on va utiliser des vocables comme par exemple « ah, ça vient de l'inconscient ». Ouais, mais c'est quoi l'inconscient? Ben, c'est un volet qui est au-delà de l'ego conscient, qui a une activité souterraine à son insu. OK? Mais ça demeure tout le temps vague. Mais ça a ses limites, là, les approches psychologiques. Bien que ça a une utilité, c'est sûr que c'est dans certains cas, c'est mieux que rien. Mais c'est pas comme la psychologie évolutionnaire supramentale qu'a abordé Bernard de Montréal. Ça va pas aussi loin que ça, mais chaque chose en son temps. Ensuite, dans l'étude de ma vie, ce que j'ai étudié, c'est les moments que j'étais plus dans des états de dépression ou des états plus de déprime ou plus lourds. Qu'est-ce qui m'amène ça? Mon rapport à la pensée, beaucoup. Ensuite, ben, c'est sûr que ma vie au travail, c'est un sujet d'étude. Ma vie familiale, je l'ai abordé tantôt. Ma vie dans ma relation avec ma fille, c'est un nouveau sujet d'étude depuis quelques mois. Donc, on peut tout étudier. On peut étudier à différents niveaux. On peut étudier intellectuellement les choses, chose que j'ai faite abondamment, mais on peut étudier les choses aussi vibratoirement. Ça, c'est à un autre niveau. On peut se poser des questions à soi-même. Donc, on peut poser la question à son moi-même ou à son esprit, devrais-je dire, à son soi profond. Bon, présentement, est-ce que j'ai quelque chose à ajuster dans ma vie? On regarde sa réponse. Ça me dit oui. Ça peut me répondre toutes sortes de choses. Ça peut me dire, ah, là, il faudrait que tu fasses un peu plus de sport. Ou il va falloir que tu changes ta nourriture. Il va falloir que tu fasses ci, tu fasses ça. Puis là, c'est sûr que par rapport à ce qui ressort comme recommandation, c'est d'évaluer si c'est ajusté. Ou on peut se référer à des gens de l'environnement. Il y a un adage qui disait que deux têtes valent mieux qu'une. Donc, mais disons quelqu'un qui est conscient, il en vaut davantage que plusieurs personnes pour apporter un éclairage pertinent par rapport à sa vie, là. Mais on peut, d'une perspective extérieure, des fois je pose la question à ma compagne, est-ce que tu trouves que ma vie est ajustée, oui ou non, sinon pourquoi? Ou je pose la question, telle chose que je dis, est-ce que tu trouves que ça tient la route? Donc, j'utilise des fois comme baromètre. Ou une perspective extérieure sur ma personne pour avoir un recul. Donc, il y a des gens aussi qui vont faire affaire, c'est sûr, avec des professionnels comme des psychologues, des psychiatres, travailleurs sociaux, intervenants, consultants, psychothérapeutes, et ainsi de suite, pour avoir une perspective. Donc, différentes personnes peuvent avoir une perspective extérieure. Il y a des gens qui œuvrent à différents niveaux. Il y en a, c'est purement intellectuel. Il y en a, c'est la gestion des émotions. Dans les dernières années, être capable de gérer la tristesse, la colère, ça, il y a des gens qui se sont spécialisés là-dedans. Il y a toutes sortes de choses qui se développent présentement. C'est intéressant d'en faire l'étude. Moi, c'est sûr que ce qui m'intéresse en tant qu'individu, c'est d'avoir un équilibre de vie. Et c'est sûr que ce que je dois admettre avec le recul aujourd'hui, présentement, c'est que le rapport que j'ai eu à l'occulte a été très énergivore dans mon passé. Je me suis préoccupé beaucoup de questions métaphysiques, sauf que tôt ou tard, le concret revient au galop, dans le sens que, un petit peu comme, par exemple, quelqu'un qui ne se préoccupe pas de sa santé, puis à un moment donné, ben, oups, il faut que je sois opéré d'urgence. Ça remet les pendules à l'heure. Donc, un peu comme quelqu'un, par exemple, qui ne s'occupe pas de l'alimentation, puis à un moment donné, la personne, à cause qu'elle a trop de cholestérol, il y a une artère qui bouche, puis elle fait un accident vasculaire, c'est sûr que ça leur met en question. Donc, des fois, c'est à travers les chocs de vie qu'on s'ajuste. C'est sûr que dans un monde idéal, il faudrait prendre tous les paramètres de sa vie puis regarder si on est en équilibre ou pas pour pas être déstabilisé par un événement en choc. Mais c'est pas évident. Puis il y a des choses qui sont pas nécessairement notre ressort, dans le sens qu'on est confronté à des variables qui, dans le fond, on n'a pas nécessairement un pouvoir d'agir concret dessus. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la question du pouvoir d'agir, dans le sens que si... j'étudie par exemple ma santé, bon, regardez qu'est-ce que je peux faire concrètement, comme par exemple manger plus sainement, ben ça peut être par exemple manger moins de gâteaux ou de pâtisseries ou de trucs sucrés là. Donc manger des sucres naturels comme par exemple des dattes. Au fil du temps, j'ai modifié mes habitudes alimentaires dans le sens que des gâteaux emballés dans des petits emballages de plastique de millefeuilles ou autre, j'en mange plus aujourd'hui. Je vais manger des fois des dattes, des noix. J'aime manger par contre la tarte au sirop d'érable. Je trouve ça délicieux. Mais le sirop d'érable, c'est un sucre à la base qui est naturel, à la différence d'une tarte au sucre. Mais tu sais, j'ai encore des petits écarts alimentaires, mais j'observe tout ça, puis voir si ça crée un déséquilibre, dans le sens que si à un moment donné, j'augmente en poids ou je diminue, ben je regarde un peu qu'est-ce qui se passe. Je regarde mon rapport aussi, beaucoup, c'est sûr, en cette période d'inflation, à l'aspect financier, dans le sens que on est dans une situation physique sur Terre et on est confronté à des nécessités, dans le sens que la personne qui travaille ou elle ne travaille pas est obligée d'avoir un minimum financier pour être capable de payer son loyer, sa nourriture. Certes, il y a des gens qui pratiquent le jeûne intermittent, mais ça a présentement ses limites, dans le sens que c'est pas tout le monde qui est capable de se nourrir de Prada et de vivre totalement de ça. Or, si le coût de l'alimentation augmente depuis plusieurs mois, ben c'est de voir est-ce qu'il y a lieu de diminuer les dépenses dans certains secteurs pour pallier à cette augmentation ou réduire l'alimentation. Des questions d'ordre pratique m'amène dans des évaluations, des considérations. C'est sûr que les plus grandes contrariétés que je peux avoir vécues dans ma vie, c'est souvent en relation avec des contrariétés pratiques, comme par exemple un problème de santé. Moi, ce que je vous parle, j'ai un problème au niveau de peau chronique. On a déjà parlé dans d'autres enregistrements. C'est sûr que ça m'amène à dépenser de l'énergie dans l'optique de vouloir régler le problème, ou sinon, ben des fois je lâche prise aussi, puis je suspends la réflexion par rapport à ça, parce que la réflexion c'est énergivore, puis la réflexion ça me lie au plan astral. Puis émettre vibratoirement ses limites aussi, parce que l'esprit ne va pas nécessairement chercher à régler tous nos problèmes. Et ça, c'est l'une de mes contrariétés de ma vie. Dans un sens, l'esprit que j'ai un problème, comme dans mon cas, de peau au niveau du pénis, lui, il n'en souffre pas parce que ça ne l'empêche pas de fonctionner sur le plan occulte. L'esprit est une masse d'énergie indépendante du corps qui œuvre à partir du plan éthérique. Bon, mais le plan éthérique... quand même que la personne avec laquelle est en liaison sur Terre a des problèmes de peau, etc., ça ne pose pas concrètement problème, dans le sens que lui, ça n'enlève rien à sa lucidité. Comme nous autres, par exemple, on peut vivre un mal de tête à un moment donné. Quelqu'un qui est fatigué, il a mal à la tête, ça nuit à la concentration. Ou quelqu'un qui a un traumatisme crânien, ça nuit à sa capacité de concentration. Sauf que le plan éthérique, qui va générer la pensée qu'on peut capter, entre autres, en plus du plan astral, les êtres qui y résident ne sont pas affectés, impactés par les contingences liées au plan matériel, au plan physique, au plan biologique. Dans le sens que si sur le plan physique, la personne a fait une faillite financière, ça n'enlève rien à la centricité de l'être éthérique qui s'y rattache. Par contre, l'ego peut souffrir en maudit. Quelqu'un qui fait une faillite, ça peut représenter le deuil, par exemple, d'une maison qu'il va perdre, d'une auto qui peut être saisie par les créanciers. Donc, il peut vivre beaucoup de souffrances à ce niveau-là. Mais l'esprit, zéro pin bar. Mais l'ego, s'il utilise la charge de sa souffrance et va véhiculer l'énergie dans un rapport de contestation à l'esprit, il peut créer un choc énergétique à l'esprit à la mesure de sa souffrance. Et c'est là qu'il peut amener l'esprit à lui parler intelligemment dans son rapport à sa souffrance pour l'éclairer sur ce qu'il vit. Mais ça prend une puissance énergétique pour faire ça. Ça prend une compréhension des lois occultes de la vie. Puis pour que la personne soit capable d'avoir un dévoilement des lois occultes de la vie, il faut qu'elle souffre. Pourquoi? Pour avoir la charge énergétique pour amener une contestation de ces dites lois occultes et les voir avec plus de clarté. Parce que sans contestation, pas capacité de vision qui peut être donnée à l'individu. La vision lucide, la vision éthérique, la vision en pleine conscience totale, pas juste le concept spirituel, là, mais la vision de l'essence énergétique derrière les formes ne peut être qu'accessible qu'à l'ego qui est dans un état de colère mentale. Un ego qui est trop mou, qui ne souffre pas tellement, il va y avoir des flottements. Dans ma vie, il y a des flottements par rapport à certaines choses parce que certains aspects de ma vie que je ne souffre pas assez pour pouvoir voir clair. Mais est-ce que je vise la souffrance? Je ne suis pas un masochiste. Je n'appartiens pas à un ordre de religieux en relation avec le catholicisme qui cherche à souffrir à l'image de Jésus-Christ. Je ne vais pas m'auto-flageller ou comme faire dans le film le Code de Vinci, là, comme le moine là, qui s'auto-flagellait avec le fouet, là, ou des ceintures avec des piquants, là, des espèces de ceintures de chasteté. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est pas par attitude psychologique. C'est par compréhension de lois vibratoires agissantes que, à quelque part, en réalisant aussi que l'esprit existe, que, à quelque part, l'intelligence pratique veut qu'on se serve de l'esprit, parce qu'après tout, on est manipulé par l'esprit ou des êtres de d'autres réalités, et à un stade, il devient de l'ordre de l'auto-défense psychique d'être capable de manipuler ces manipulateurs pour horizontaliser le rapport avec eux. Et c'est sûr qu'en tant qu'ego, toute mon énergie présentement va... c'est une façon de parler, vous voyez, la parole se réajuste quand on la parle à voix haute, mais une bonne partie, c'est de trouver un équilibre de vie. Et ma contrariété, c'est qu'on peut chercher ou atteindre des points d'équilibre, mais le contexte changeant des événements les modifie. Je vous donne un exemple très concret. On peut trouver un équilibre de vie parce que, à quelque part, bon, quelqu'un... Comme moi, j'ai de la difficulté à dormir, je vais mettre un masque d'avion dans la face. Comme les gens, quand ils prennent l'avion, là, ils mettent une espèce de masque pour couper l'accès à la lumière. Parce que quand il fait clair tôt le matin, là, surtout en été, ça me réveille. Donc, je me réveille en même temps que le jour. Donc, s'il commence à faire clair à 5h30, ben, je me réveille à 5h30 en étant exposé à la lumière. Je ferme les rideaux, les stores, mais la lumière pénètre pareil un peu, puis je l'aperçois. Donc, j'ai trouvé ça comme solution, sauf que je voulais avoir un enfant. J'ai un enfant, l'enfant se réveille tôt. Fait que même si j'ai ça d'en face, ben, le contexte de vie fait en sorte que je vais me réveiller tôt pareil. Se réveiller tôt, c'est pas mauvais en soi. Il faut en faire la gestion, mais il y a des conditions qu'on va ajuster en créant un environnement, par exemple, propice au sommeil. Mais si il y a un enfant qui se réveille tôt, ça va changer. Donc, mais c'est correct. Tu sais, ma fille m'apporte beaucoup, elle me fait faire des prises de conscience, j'observe son développement au fil des jours. Elle commence à ramper et ensuite elle va applaudir des mains. Donc, quand elle est contente, elle se met à applaudir. Des fois, on se met à applaudir. Il y a les cellules miroirs qui sont sans doute activées dans son cerveau qui l'amènent à faire du mimétisme comportemental. Des fois, je me mets à parler de sujets ennuyeux, puis je souris, puis elle va se mettre à rire, parce que je souris. Ensuite, on peut se mettre proche d'elle, que ce soit ma compagne ou moi, on va se mettre à applaudir, elle va se mettre à applaudir. Donc, le mimétisme comportemental est à plusieurs niveaux, parce que l'enfant va être influencé par nos états d'être, d'où l'importance d'avoir des états d'être qui sont sains, qui sont propices au développement, au déploiement d'une énergie créative sans borne. Parce que, dans le fond, dans ma vie, j'ai été confronté, quand que j'étais jeune, à des adultes de mon environnement qui étaient anxieux. Par la suite, ça m'a amené à avoir un tempérament plutôt anxieux. Par la suite, ça a eu une certaine influence encore aujourd'hui, mais moi, je dois œuvrer pour neutraliser cette influence-là. Qui est nuisible. À un certain niveau, de faire preuve de précaution, ça a une utilité. Mais ça a ses limites. Dans le sens que si on surestime de l'énergie pour prévoir toutes les tuiles qui peuvent nous tomber sur la tête ou tous les déséquilibres dans notre vie, à ce moment-là, on ne vit plus notre vie, mais on est en mode survie, on est en mode d'éviter le pire. On n'est pas en mode de jouer et de célébrer la vie, mais si à quelque part on n'est pas vigilant puis on le fait pas, ben c'est là que on peut en souffrir ou se faire avoir. La vie, si la personne n'est pas vigilante, ben il peut arriver toutes sortes de choses. Quelqu'un qui n'est pas vigilant puis il roule en auto sur de la glace, bon ben l'auto peut déraper. Donc il faut s'ajuster à l'environnement, mais chercher trop à vouloir voir les pires choses qui peuvent arriver, ça fait une vie qui est désagréable. Donc, les points d'étude que j'ai abordés dans l'enregistrement d'aujourd'hui, en début d'enregistrement, ça peut être intéressant d'en étudier certains. Par contre, il ne faut pas en faire non plus une maladie parce qu'on va être frustré. Des fois, on peut prévoir certaines choses, mais il y a tout le temps des éléments imprévisibles par l'ego qui peuvent arriver. Prenons par exemple quelqu'un qui fait un tirage de pile ou face. Donc, la personne utilise une pièce de monnaie. D'un côté, il y a un visage. Et de l'autre côté, par exemple, il va y avoir le castor. Donc, c'est une pièce de modèle canadienne. Donc, d'un côté, on va lancer la pièce dans les airs. Et lorsque la pièce retombe, on va penser que ça va être pile ou face. Mais non, la pièce retombe entre deux coussins d'un divan, devrais-je dire, sur la trame. Ce qui fait que, en tant que telle, la pièce de monnaie, on s'attendait que ce serait un côté ou l'autre, mais il y a aussi la bordure, la trame. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, il y a des surprises. J'ai eu souvent des surprises par rapport à la gestion de la période qu'on a dite de pandémie de 2020 aujourd'hui. J'ai été surpris la façon que les mesures se sont mises à diminuer au fil du temps et puis la situation présente. Il y a des choses que j'avais prévues à un certain niveau qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il y aurait de l'inflation et que ça coûterait de plus en plus cher parce que les gouvernements, ils ont sorti la planche à billets pendant la période auquel je fais allusion, puis ont imprimé massivement de l'argent. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il y allait avoir un contre-coup par rapport à ça parce que si on inonde l'économie de billets, ben, ça amène une dévaluation de la valeur de l'argent, ce qui fait que présentement, l'argent en 2023 vaut nettement moins que l'argent de 2019 ici au Canada. Et je sais que la situation est similaire pour d'autres pays dans le monde qui ont sorti également la planche à billets, là, qui a amené une situation d'inflation. Donc, je m'intéresse à plusieurs choses. Aussi, l'équilibre de vie vient de l'étude de la psychologie, de l'étude de l'économie. L'économie, c'est intéressant de l'étudier parce que ça a un impact sur notre vie, nos vies d'une manière assez concrète. Hein? Si le taux d'inflation augmente, ça coûte plus cher de la nourriture, puis les différents articles, ben, c'est d'être conscient des mécanismes qui sont derrière ça, puis conscient aussi des mécanismes qui amènent à la création de bulles immobilières, puis d'observer ça. En même temps, ben, je me suis intéressé à l'entraînement physique, au volet alimentation, au volet santé aussi. C'est pas mal ça, en fait. Je fais pas mal le tour. La santé aussi, au niveau psychologique, je me suis intéressé à la pratique de la médication, de méditation, pardon, la cohérence cardiaque, entre autres. Je me suis intéressé à plein de sujets, puis sans doute, je vais encore m'intéresser à plein de choses dans le futur. C'est sûr qu'en tant qu'ego, l'une de mes contrariétés, c'est pas d'avoir une mémoire phénoménale pour mémoriser tout ce que j'ai étudié. Parce qu'à ce moment-là, je pourrais tendre à devenir une encyclopédie vivante. Sauf que d'un autre côté, je m'alourdirais de certaines mémoires. En tant qu'ego, des fois, c'est dur parce que je vais envier, entre autres, à un certain niveau, ma compagne, elle a une mémoire qui est plus grande que moi. Donc, on va être exposés tous les deux à la même information et elle va être capable de me partager l'information d'une manière plus précise, avec plus de détails. Puis des fois, je vais vérifier sur Internet par la suite, puis je suis obligé souvent d'admettre qu'elle a raison. Donc, mais on est chacun différent. C'est sûr que si je me réfléchis par rapport à elle, des fois, je vivais comme une espèce de complexe d'infériorité, dans le sens que j'aimerais avoir une mémoire plus vaste pour être capable, spontanément, un peu à la manière d'une encyclopédie vivante, être capable de sortir toute l'information spontanément, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, je vais vivre d'autres choses qu'elle. Et par rapport aux activités d'enregistrement, ce que je vise à parler spontanément, sans prendre de notes, puis en mode improvisation, ça me prend une fluidité énergétique. Donc, faut pas que mon mental soit trop encombré de mémoire, mais en même temps, ça prend une quantité suffisante de mémoire pour pouvoir m'exprimer avec précision, avec clarté dans mes propos. Donc, ça prend un certain niveau d'équilibre. Puis en même temps, ben, je réalise que je suis manipulé. Des fois, je vis des rapports de contestation avec l'esprit dans le sens que si on me coupe d'une mémoire, qu'il fallait que je prenne en note une information, je ne l'ai pas fait. Puis par la suite, un collègue de travail me le reproche en disant, ben, écoute, tu étais supposé prendre en note l'information, tu ne l'as pas fait. Ben là, je vais être dans un rapport de contestation à l'esprit. Parce que moi, ce que je demande à l'esprit, c'est qu'il me permette de fonctionner au niveau travail adéquatement, dans le fond, en lien avec ma mémoire, parce que je prends pour acquis que la pensée vient d'ailleurs. Donc, si on me coupe de l'information mémorielle qui s'organise pour que je sois capable de vivre décemment, surtout que mes activités d'enregistrement que je fais depuis plusieurs années ne m'ont jamais permis d'avoir un revenu pour en vivre décemment. Fait que je vis une certaine forme de désenchantement par rapport à toute la question de l'activité de diffusion. Dans le sens que je fais des enregistrements parce que ça m'apporte une satisfaction personnelle de communiquer. C'est une forme de plaisir de vie. Puis pendant que je communique, je réfléchis pas. Donc, si je suis en mode émission, je trouve ça plus intéressant qu'être en mode tout simplement réception à journée longue par rapport à des documentaires ou des émissions que j'occupe. Je vais écouter. Donc, ça a une fonction dans ma vie, d'être capable d'émettre des choses au micro en prenant la parole. Ça participe à mon développement, à faire des prises de conscience, des ajustements, sauf que présentement, il n'y a pas de masse critique de gens intéressés à ça. La preuve, j'ai pas des millions de vues. Là. Si j'ai 1000 vues en 2023 par rapport à une vidéo, c'est que je suis vraiment très chanceux. Puis habituellement, quand c'est le cas, c'est avec des invités. Donc, c'est sûr que je suis conscient que les gens vont préférer les enregistrements que je fais avec des invités, que ce soit Mono et Berthold, ou même les deux réunis, ce qui va souvent occasionner un peu plus de visionnement. Pourquoi? Ben parce que, présentement, ce qui va animer de ce que je perçois le public plus, c'est l'aspect communication perçu de gens qui échangent. Quand j'écoute des gens qui discutent sur Internet, des fois, j'ai l'impression d'être avec un groupe d'amis qui discutent. Tandis que les enregistrements que je fais souvent en solo, c'est plus sur le mode de la confidence. C'est une autre dimension. Il y a une interactivité moins grande aussi. Souvent, l'interactivité entre deux personnes qui parlent va être plus stimulante. Certes, en mode solo, je peux interagir avec mon esprit dans le sens que j'aime bien dire que si je prépare une entrevue avec des gens puis les gens ils peuvent pas être là, il y a une absence de dernière minute, j'ai toujours mon invité par défaut, c'est-à-dire mon esprit. Puis là, je peux poser des questions à l'esprit sur différents sujets. Puis l'esprit va m'aiguillonner ou il y a des idées qui... C'est un petit peu... Je donne un exemple. Je fais le ménage, puis à un moment donné, il me vient à la pensée qu'un des enjeux du début du 20e siècle, ça va être la question de la manipulation à travers la forme qui va être renforcée. Dans le sens que présentement, l'utilisation de l'intelligence artificielle va faire en sorte qu'on peut entendre un chanteur qui est décédé, prenons par exemple John Lennon, qui va chanter une chanson que jamais chantée de son vivant, mais la voix est tellement bien reproduite par la machine qu'on peut croire que c'est John Lennon qui chante. À un moment donné, j'écoutais ça avec ma mère, qui apprécie beaucoup le groupe de musique des Beatles, dont John Lennon a été l'un des membres les plus populaires. Et puis, je faisais jouer dans la voiture de la musique où il y avait des vrais Beatles qui chantaient, mais des voix refaites avec l'intelligence artificielle de personnes qui chantent, mais qui sonnent pareil que certains Beatles, comme Paul McCartney ou John Lennon. Et c'est à s'y méprendre entre c'est qui est le vrai chanteur ou pas. Et ça va faire partie des enjeux du 21e siècle. Donc, par exemple, si on voit une vidéo avec un politicien comme Barack Obama ou Donald Trump qui tient des propos controversés, ben, ça va être de voir est-ce que c'est vraiment le vrai Barack Obama ou Donald Trump qui a tenu ces propos-là. Il y aura une question d'authentification. Et la forme va devenir de plus en plus mystifiante au fil du temps. On est au premier balbutiement de l'intelligence artificielle, mais imaginez cette technologie-là qui se développe pendant 100 ans, pendant 1000 ans, 2000 ans, ça va devenir de plus en plus poussé. Donc, c'est sûr que je ne serais pas surpris qu'un jour, un peu comme John Lennon, Frank Sinatra, Elvis, au moment où on se parle, bon, il y a des chanteurs qui ont passé à l'histoire, que leur voix a été reproduite par intelligence artificielle. Puis je voyais quelqu'un sur YouTube récemment, la personne disait, ben, je vais chanter une chanson, puis je veux que ça sonne tel type de voix, je sélectionne le type de voix, puis ça va chanter de cette façon-là. Mais ça va être la même chose au niveau politique ou dans d'autres secteurs. Quelqu'un qui va avoir la même voix que Barack Obama, il va appuyer sur un bouton, puis il va avoir une conversion automatique. Le gars, sa voix était automatiquement convertie, c'est un homme en voix de femme. Qu'on pouvait entendre à travers les haut-parleurs qui sortaient de l'ordinateur. Donc, une conversion automatique et instantanée de la voix par l'appareil pour avoir le ton de voix qu'on veut avoir. Et ça sera peut-être la même chose par rapport à certains initiés qui sont venus sur la Terre. Prenons par exemple le cas de Bernard de Montréal, en ayant plusieurs centaines d'enregistrements qui sont produits. C'est une intelligence artificielle qui fait du deep learning, qui étudie la tonalité de Bernard de Montréal, ben, il pourrait être très possible que quelqu'un parle puis dit « OK, je vais entendre la voix de Bernard de Montréal dire ces mots-là. » Puis la machine qui aura étudié plusieurs centaines d'heures d'enregistrement de Bernard de Montréal étudie la façon, l'intonation de la voix, la façon qu'articule les mots en québécois, ainsi de suite, pourrait reproduire ça. Et ensuite, ça pourrait amener d'autres enregistrements à sortir sur le web. Donc, quelqu'un pourrait être un farceur puis dire, il y a des nouvelles mini-rencontres. Là, c'est la période de 2020 à 2003, où ce qui est encore en vie. Et là, la personne, ce qu'elle aurait fait, c'est qu'elle aurait pris les 150 enregistrements de la psychologie évolutionnaire de Bernard de Montréal, puis elle aurait dit à l'ordinateur, t'échantillonne toute la voix là, de Bernard de Montréal pour me faire une voix qui se rapporte à cette période-là. Puis là, par la suite, on apprend qu'il y a des nouveaux enregistrements qui sont révélés, puis ça sonne pareil. Et la particularité puis la spécificité aussi que je vois avec le temps par rapport à l'intelligence artificielle pour faire de la reproduction de voix, c'est qu'on peut le faire par rapport à une période de vie d'un chanteur. Comme par exemple, le chanteur du groupe américain de Smashing Pumpkins, il y a sa voix échantillonnée des années 1990 qui existe, du début des années 1990, qui n'est pas pareil que la voix qu'il y a aujourd'hui en 2020. Donc, il y a des subtilités aussi. Tu sais, ça peut être la voix d'un chanteur de la période 1990 à 2000. Ensuite, un autre type de voix 2000 à 2010, 2010 à 2020. Mais là, la chanson, par exemple, Empire, qu'a faite récemment, a été reprise par sa voix de 1990 que j'ai pu écouter sur Internet. Donc, la voix n'est pas tout à fait pareille. Ça sera sans doute la même chose. Au début, il va avoir la voix, mettons, de Bernard de Montréal. Quelqu'un pourrait échantillonner par rapport à tout son matériel de 1980 à 2003. Mais après ça, c'est des périodes. Comme par exemple, la période de 1980 à 1983. Ensuite, de 2000 à 2003, et ainsi de suite. Puis, avec la tonalité. Puis là, après ça, on pourrait dire, ah, il y a des nouveaux enregistrements qui sortent, là, des révélations qui sont faites, là, plusieurs années après, là, que ça, c'était sur cassette, ainsi de suite. On sait pas. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent sortir, mais bref, ce que ça me dit, puis là, vous voyez, j'élabore beaucoup là-dessus, c'est que, ben, première des choses, j'avais écouté les enregistrements sur l'intelligence artificielle, donc c'était probablement en incubation à l'intérieur de moi, puis une partie de moi-même, c'est-à-dire l'esprit, qui m'a comme dit, ben, le 21e siècle, il va y avoir des enjeux liés à l'intelligence artificielle utilisée pour créer des faux documents, puis pour se sortir de la mystification de la forme, que ce soit par rapport à la voix de Bernard de Montréal, c'est pas parce qu'on va entendre sa voix dans le futur, dans des enregistrements, que ça veut dire que c'est vraiment lui qui a prononcé les propos, même titre que c'est pas parce qu'on entend une chanson qui est chantée par Elvis ou John Lennon présentement, que ça a nécessairement dit que ça vient d'eux, parce qu'il y a l'utilisation d'intelligence artificielle qui peut être fait pour reproduire leur son de voix. Donc, ça va être ce type d'enjeu-là. Puis l'image aussi, avec de plus en plus de perfection au fil du temps. Donc, on va être confronté à des enjeux de cette nature à mesure qu'on va avancer dans le temps. Puis ce que ça me dit, c'est que l'esprit, ultimement, va permettre à l'être humain d'exercer son discernement sur une base vibratoire. Parce qu'à mesure que la personne va être confrontée à des formes qui sont précises, Puis à mesure qu'on va de la difficulté à faire la distinction entre est-ce que c'est un vrai être humain qu'on entend chanter la chanson ou c'est une machine avec une application liée à une intelligence artificielle. Même chose par rapport aux robots. D'ailleurs, présentement, le Japon travaille activement depuis plusieurs années à concevoir des robots de type humanoïde qui sont à mimé-prendre à des êtres humains. Puis à un moment donné, je pense que le fantasme ultime d'un concepteur d'intelligence artificielle ou quelqu'un dans le domaine de la robotique, c'est que l'être humain pense être en contact avec un autre être humain alors que c'est une machine. Puis ce concept-là est souvent abordé dans les films de science-fiction. Puis j'ai l'impression qu'on va tendre de plus en plus se rapprocher de ça. Qu'est-ce qui va permettre de distinguer entre un être humain et une machine? Ben, ça va être le discernement vibratoire. Une capacité de perception de la vibration derrière l'individu pour voir si c'est réel ou pas. Ça va être subtil. Et c'est là que l'intelligence réelle va entrer en ligne de compte. Parce que c'est ce qui va nous permettre de nous sortir de la mystification par rapport à l'intelligence artificielle. Avec des formes de plus en plus complexes, de plus en plus difficilement distinguables. D'ailleurs, on est rendu à un point où ce que l'image a de plus en plus une résolution détaillée, que ça échappe à notre œil, dans le sens que vous avez une image avec des pixels qui sont de plus en plus en grande quantité, et c'est sûr qu'à un moment donné, notre œil est capable de percevoir une partie du spectre des couleurs, mais s'il y en a plus, on les perçoit pas. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que la forme est plus vaste que notre capacité perceptuelle à travers nos sens qui sont limités. Puis pour pallier à tout ça, ben, ça va être toujours l'intelligence vibratoire qui représente, en termes de développement, l'avenir de l'humanité. Mais ça va être avec le temps, puis c'est par rapport à l'avenir. Mais pour le moment présent, l'individu, ce qu'il a à faire dans sa vie de tous les jours, ça c'est ma compréhension auquel je suis souvent confronté, ben, c'est de s'occuper d'être en santé, s'alimenter adéquatement, être en équilibre, des enjeux de base, là, être capable d'avoir accès à des vêtements, du relationnel qui est plus favorable à son évolution que nuisible, dans le fond, être capable de fonctionner financièrement aussi dans une civilisation capitaliste présentement. Bon, c'est sur ces considérations que je vous laisse et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.